Cette nuit. Cette nuit menaçante, dans cet oubli, j'avance en silence. Dans le noir qui m'oppresse, je l'aperçois, il est là. Sa cape livide, il me voit, il me guette, avide de mes veines, il me veut. Sa voix m'oppresse, me laisse assise bouche bée, j'étouffe. Qui est-il? Que me veut-il? Dans le noir, il me voit, il me guette. Et moi, timide, je recule, j'ai peur. C'est de mauvais augure. Glacé, je cours, j'ai peur d'un grand malheur. La nuit menace, je me perds dans ces rues vides de sens, vidées de mon sang. Cette nuit menace, ivre j'agonise. Cette nuit. Cette nuit.